bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien, du coup, mon émission hebdomadaire. Donc cette semaine, mon coup de cœur est au cœur du solstice. Donc pour mettre dans l'ambiance, déjà, je vais commencer par vous lire le résumé. Hein. À chaque sacrifice, son rituel. À chaque tueur, son obsession. Grenoble, mois de juin. Le corps d'une jeune femme est découvert dans l'ancien baptistère. Très vite, l'autopsie révèle que l'assassin a retiré le cœur de sa victime. Quelques jours plus tard, un second cadavre va plonger la ville dans la psychose. Meurtre rituel, acte d'un démon. Saisi de l'enquête, le capitaine Nadia Barca et son équipe ne disposent d'aucun indice, si ce n'est du témoignage surprenant de Julien Lombard, qui se dit averti des disparitions et des meurtres par d'étranges visions. Mythomane, illuminé, piste providentielle, la policière, en proie au doute, va devoir s'appuyer sur des alliés parfois singuliers pour tenter de stopper ce tueur à l'efficacité redoutable. Ah oui, j'avais oublié de préciser, puisque depuis 2-3 semaines je suis parti dans la lignée des livres un petit peu horrifiques, bien thriller, avec quelques détails qui ne donne pas à manger, on pourrait dire. Je continue, hein, donc ce livre fait partie de la lignée, on va dire. Donc, clairement, une fois que j'ai repensé au livre après, une fois que j'ai fini, il y a une chose qui m'a fait rire quand même, c'est que le tueur est quand même culotté, on peut dire. Parce que, concrètement, il prend une personne, il la tue, il ouvre, il enlève son cœur chirurgicalement, au millimètre près, il recoue tout ça, il la rhabille, et ensuite il la place dans un lieu sacré. Il devait avoir une dent contre la religion, je pense, franchement. Je vous dis pas si c'est vrai ou pas, mais on peut penser ça, franchement, quand j'y repense, ça me fait rire. Voilà. Et aussi, selon moi, franchement, l'intrigue de ce thriller, hein, est parfaite. Enfin non, parce que rien n'est parfait, techniquement, il y a toujours un petit problème. Mais cette intrigue est ce qu'on pourrait dire, ça se rapproche le plus de la perfection, on peut dire. Parce que, franchement, il sait laisser le public en haleine, il sait susciter le suspense. Et, truc bien, c'est qu'au moins, à la fin, vous voyez, il dit absolument tout. Certains auteurs, ils laissent une part de mystère et il dit, en gros, allez le lecteur, à toi d'imaginer la suite. Mais je trouve pas ça bien quand l'auteur commence un livre, genre, vous voyez, ça lui d'écrire jusqu'à la fin de tout imaginer. Et là, chose bien, il a tout fini, la boucle est bouclée, on peut dire. Il n'y a pas de mystère, on va dire. Ou alors vous êtes fort et vraiment vous voulez devenir détective. Donc franchement, il a réussi un beau tour de maître, je dirais. Vraiment super livre de thriller. Donc il y a aussi évidemment quelques petits détails un peu gore, on va dire, hein. Donc à déconseiller aux enfants d'au moins de 12-13 ans. Ouais, 12-13 ans, je dirais. Et sans transition, on va passer aux petits détails utiles à savoir du livre. Donc l'auteur s'appelle Jacques Vendroux. Le livre est publié aux éditions Robert Laffont, si vous voulez le chercher, justement. Et pour ceux qui s'intéressent, il fait 406 pages. Voilà, ça peut toujours intéresser des gens, je sais pas. Donc voilà. Au cœur du solstice de Jacques Vendroux. Livre que je vous conseille très très fortement. Bien, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine à vous. Une bonne semaine. Voilà. À la semaine prochaine.